Y'a comme un truc dans ma tête qui fait tout le temps que j'ai des maladies incurables ou un super pouvoir qui me retourne le crâne du matin jusqu'au soir. J'ai le cerveau qui est rongé comme un stylo. Non, je pense trop que je vais à faire de la philo. Si c'est bien ou pas bien, ou pourquoi je fais ça. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est pour l'amour de stun, personne n'est mauvais respect. Anyway, mec, on the stand, tout this qu'on va dans la trust. C'est pour l'amour de stun, personne n'est mauvais respect. My mind is fucked, ma peine est sec, enlacée là. Y'a comme un truc dans ma tête qui fait toute la quantité. Oh, my life, I will be better. Y'a comme un truc dans ma tête. My mind is fucked. Ma peine est sec, enlacée là. Y'a comme un truc dans ma tête qui fait toute la quantité. Oh, my life, I will get better. Y'a comme un truc dans ma tête. Yeah. Ma peine est sec, enlacée là. Y'a comme un truc dans ma tête qui fait toute la quantité. Oh, my life, I will get better. Il était un petit pétard. La gouttelette dans la calèche gardait un drôle de cadavre. La gouttelette dans la calèche, sa carrosserie c'est du petit. La gouttelette dans la calèche, son bateau c'est la goutte. La gouttelette dans la calèche, people never listen. Personne n'est mauvais respect. Anyway, make all the stand. Do this, come on, have a trust. People never understand. Personne n'est mauvais respect. My mind is fucked up. Oh, my life, I will get better. Y'a comme un truc dans ma tête. Yeah. Ma peine est sec, enlacée là. Y'a comme un truc dans ma tête qui me fait toute la quantité. Oh, my life.